c'est faire un cadeau de son cœur. On vous souhaite un Noël plein d'amour. Et ce sera Noël tous les jours. Quand le Père Noël voyage entre les nuages, qu'il apporte son sourire aux enfants bien sages. On vous souhaite un Noël plein d'amour. Ce sera Noël tous les jours. Quand